إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant inshallah, puisque Allah subhanahu wa ta'ala avait prédestiné qu'on allait se réunir ce matin, malgré que on avait peut-être même parfois cru que ça allait pas être possible. Mais bon, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a été possible. Donc, on va profiter de ce moment pour, inshallah, se rappeler ensemble des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, on va lire ensemble une parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre Al-Fawa'id, qui explique le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Et c'est ainsi que nous détaillons nos versets pour que le chemin des criminels soit clarifié. C'est-à-dire que on va voir à travers les paroles de l'imam Ibn Qayyim que c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala a pas seulement clarifié la vérité et le chemin qui mène vers la vérité. Il a également clarifié le chemin des criminels et le chemin qui mène vers l'enfer pour être capable de pour faire en sorte que les croyants soient capables de s'en écarter. Hein? Donc c'est bien de connaître Haq, c'est bien de connaître Al-Huda, mais en même temps aussi, si on ignore le Batil, si on ignore l'égarement, eh bien on risque de se faire tromper. On risque de tomber dans l'égarement. Donc le cheikh il a bien expliqué ça avec des exemples qui sont vraiment intéressants et bénéfiques. On va essayer inshallah de clarifier ça ensemble inshallah. Donc le cheikh il dit ensuite: wa qala wa man yushaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah ta'ala qad bayyana fi kitabih sabil al-mu'minin mufassala وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. أي نعم. Donc le cheikh il explique que il mentionne un verset qui dit que quiconque fait scission avec le messager après que la guidance lui a été clarifiée et suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné. Donc il montre dans le premier verset litastabina sabil al-mujrimin, pour que le chemin des criminels soit clarifié. Puis dans le deuxième verset il mentionne qu'il a clarifié la guidance, hein, et il faut donc suivre ce qui vient comme guidance de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam et suivre la voie des croyants. Et ensuite le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout clarifié dans son livre, la voie des croyants de manière détaillée et la voie des criminels de manière détaillée, hein. Et la conclusion ou la fin de ceux-là et les actions de ceux-là, c'est-à-dire les actions des gens qui sont sur la guidance et les actions des gens qui sont sur l'égarement. Et la conclusion des gens qui sont sur la guidance et la conclusion de ceux qui sont sur l'égarement. Et les actions de ceux qui sont sur la guidance et les actions de ceux qui sont dans l'égarement, les criminels. Et les alliés, qui sont les alliés de ceux-là, hein, et qui sont les alliés de ceux-là. C'est-à-dire qui sont les alliés des guidés et qui sont les alliés des criminels. Et il a montré comment il a abandonné les criminels et comment il a donné le succès aux gens qui sont bien guidés. Et il a mentionné les causes de qu'est-ce qui amène vers la guidance et les causes de ce qui amène vers l'égarement, les causes de ce qui font que ceux-là ont été abandonnés et les causes de ce qui a fait que ceux-là ont été ont reçu le succès par la suite. Le Cheikh il dit وَجَلَ سُبْحَانَهُ الْأَمْرَيْنَ فِي كِتَابِهِ وَكَشَفَهُمَا وَأَوْضَحَهُمَا وَأَوْضَحَهُمَا وَبَيَّنَهُمَا غَايَةَ الْبَيَانِ حَتَّى شَاهَدَتْهُمَا البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. Donc le cheikh il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié les deux choses et il les a découvert et dévoilé tous les deux et il les a clarifiés de la façon la plus claire possible, hein? Et il l'a clarifié à un tel point que c'est comme si tu le voyais avec tes propres yeux, hein? Comme tu vois la lumière et comme tu vois les ténèbres. Donc tout est clair. Après il a dit فَلَعَلِمُونَ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ وَكِتَابِهِ وَدِينِهِ عَرَفُوا سَبِيلَ الْمُؤْمِنِينَ مَعْرِفَةً تَفْصِيلِيَّةً وَسَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ مَعْرِفَةً تَفْصِيلِيَّةً وَاسْتَبَانَتْ لَهُمُ السَّبِيلَانِ كما يتبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة وهؤلاء أعلم الخلق وأنفع الناس للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهداة وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة. Donc le cheikh il dit que ceux qui ont la connaissance d'Allah et de son livre et de sa religion, c'est ceux qui ont connu la voie des croyants de manière détaillée et explicite, et ceux qui ont connu la voie des criminels d'une connaissance détaillée et explicite aussi. Et donc les deux voies leur sont devenues claires, hein? Les deux leur sont devenues claires. Et donc, le cheikh il dit, c'est de cette façon que la personne, lorsqu'elle a la connaissance de ces deux voies-là, eh bien, elle est capable de prendre le chemin qui va l'amener vers la destination où elle veut aller. Et elle sait, si elle veut aller au paradis, quel chemin elle doit prendre, et si elle veut périr et aller vers la voie de la perdition, quel chemin elle doit prendre aussi. Et ceux qui ont la connaissance de ces deux voies de façon détaillée, ce sont les plus savants de la création. Et ce sont ceux qui sont le plus bénéfiques pour les hommes et qui sont le plus sincères envers eux. Et ce sont eux les guides et ceux qui indiquent aux autres le droit chemin. Et c'est par cette caractéristique-là, par cette connaissance détaillée de la vérité et du faux chez les Sahaba, qu'ils ont dépassé et qu'ils se sont distingués de toutes les autres créatures parmi celles qui sont venues jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh il dit فَإِنَّهُمْ نَشَأُوا فِي سَبِيلِ الضَّلَالِ وَالْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالسُّبُلِ الْمُوصِلَةِ إِلَى الْهَلَكِ وَعَرَفُوهَا مُفَصَّلَةً ثُمَّ جَاءَهُمْ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى والصراط المستقيم فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الغي إلى الرشاد ومن الظلم إلى العدل ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه فإن الضد يظهر حسنه الضد وإنما تتبين الأشياء بأضدادها فازدادوا رغبة ومحبة في من انتقلوا إليه ونفر ونفرا وبغضا لمن تقلوا عنه وكانوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس لضده عالمين بالسبيل على التفصيل. Donc le cheikh, regardez comment il explique la chose, mashallah. Il dit, en parlant des sahaba, il dit qu'ils ont grandi dans le chemin de l'égarement avant d'être musulmans, avant de connaître l'islam. Ils ont grandi dans les voies de l'égarement, de la mécréance et du shirk, hein, et les voies qui amènent vers la perdition. Donc ils ont connu toutes ces choses-là de manière détaillée. Hein? Ils ont connu le kufr, ils ont connu le shirk, ils ont connu l'égarement, ils ont connu toutes les choses qui amènent vers la perdition de manière détaillée. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam leur est venu et les a fait sortir de ces ténèbres vers le chemin de la guidance, le chemin droit. Donc ils sont sortis de ces ténèbres, hein, qui sont, comment on pourrait dire, des ténèbres profondes vers cette lumière totale et complète. Il les a fait sortir du shirk vers le tawhid. Il les a fait sortir de l'ignorance vers la science. Il les a fait sortir de l'égarement et de la déviation vers la guidance. Hein? Il les a fait sortir de l'injustice vers la justice, de la confusion et de l'aveuglement à la guidance et à la lumière et à la vision. Alors, ils ont compris et ils ont su la valeur de ce qu'ils ont trouvé dans cette religion-là et de ce qu'ils ont reçu dans le message du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils savent sa valeur, ils savent sa mesure et qu'est-ce que ça représente. Parce que une chose, la beauté d'une chose apparaît par son contraire. Et c'est par le contraire de quelque chose qu'on arrive à comprendre la réalité d'une autre. Alors, ils ont augmenté en amour pour la vérité, augmenté en amour pour le tawhid, augmenté en amour pour le haqq, augmenté en amour pour la lumière et pour toute tout ce qui est bien, tout ce qui est vérité. Et ils ont quitté le kufr et le shirk en s'enfuyant de ces choses-là, en s'enfuyant du kufr, en s'enfuyant du shirk, et par dégoût et par haine du kufr et par haine du shirk, parce qu'ils ont connu sa laideur, ils ont connu l'obscurité qui était dedans, ils ont connu le mal qui existait à l'intérieur de ces voies-là. Donc ils ont quitté ces choses-là par amour pour le tawhid et par dégoût et par haine pour le shirk et l'égarement. Donc c'était les personnes qui avaient le plus d'amour pour le tawhid, plus de foi et plus d'islam, plus d'amour pour toutes ces choses-là qui ont rapport avec la foi et l'islam, et plus de haine pour tout ce qui est contraire à l'islam, à la foi et au tawhid. Et en plus, donc, ça c'est pourquoi, c'est parce qu'ils ont eu la connaissance de ces deux voies-là de façon détaillée. Après le cheikh, il dit « Amma man ja'a ba'da sahaba » فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم بتفصيل ضده فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما كما قال عمر بن الخطاب إنما تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به أو كل ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم به فإنه من الجاهلية فإنها منسوبة إلى الجهل وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. Donc le cheikh il explique, il dit que ceux qui sont venus après les sahaba, il y en a parmi eux qui sont grandis dans l'islam, et mais par contre ils n'ont pas connu les détails de ce qui oppose l'islam. Ils ont grandi dans l'islam, Donc, ils n'ont pas connu les détails de ce qui oppose l'islam. Ils n'ont pas connu les détails du shirk. Ils n'ont pas connu les détails du kufr. Ils n'ont pas connu les détails de l'égarement. Alors, certains aspects leur ont été comme, disons, peut-être flous pour eux, ou bien pas assez clairs pour eux dans certaines questions, ou dans certains aspects des détails de la voie des croyants, ou dans certains aspects ou certains détails de la voie des criminels. Alors, le cheikh, il dit que la confusion ou le mélange entre la vérité et le faux, il provient du fait qu'on a une faiblesse dans la connaissance d'une des deux voies. Il provient du fait qu'on a une faiblesse dans la science qu'on possède ou dans la connaissance qu'on a des deux voies ensemble ou d'une des deux. Comme Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a dit que le câble de l'islam va s'effiler fil par fil lorsque des gens vont grandir dans l'islam sans avoir connu la jahiliya. C'est-à-dire des gens qui ont grandi dans l'islam sans avoir connu la période pré-islamique, c'est-à-dire avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il dit, ça fait partie de la science que Omar possédait et qui faisait partie des exemples de la perfection de la science de Omar dans l'islam et dans sa compréhension de la religion. Parce que celui qui n'a pas connu la période d'ignorance, la période de Jahiliya, et les verdicts qui sont reliés à cette période, alors, le cheikh il dit, donc c'est-à-dire tout ce qui est en opposition avec ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, on dit que ça fait partie de l'ignorance. Donc, on l'appelle, on le relie, ou bien on l'attribue, ou on l'associe à l'ignorance. Donc, c'est tout ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené qui. Donc, tout ce qui contredit ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené, on l'appelle de l'ignorance. Donc, en fait, ce que le cheikh est en train d'expliquer maintenant, par rapport à la parole de Omar ibn al-Khattab, c'est que les sahaba qui, au début, ont accepté l'islam, ils étaient dans le kufr, dans le shirk, ils ont connu l'égarement. Donc, quand ils ont accepté l'islam, ça a eu un, disons, étant donné leur connaissance détaillée de l'égarement et du shirk et du kufr, ils savaient encore plus l'importance de l'islam et la valeur de l'islam et qu'est-ce que ça impliquait. Tandis que ceux qui sont nés dans l'islam par la suite et qui n'ont pas connu la période de l'ignorance, eh bien, quand ils ont avancé dans l'islam, étant donné qu'ils avaient une connaissance moins développée de ce qui oppose l'islam, eh bien, ils avaient peut-être probablement certains aspects de l'islam qui était moins forte ou moins accroché à la vérité à cause de ça. Cheikh il dit ensuite, فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ لَمْ يَسْتَبِنْ لَهُ أو لَمْ تَسْتَبِنْ لَهُ أو شَكَ أَنْ يَظُنَّ فِي بَعْدِ سَبِيلِهِمْ أَنَّهَا مِنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا وَقَعَ في هذه الأمة من أمور كثيرة من باب العقائد أو في باب الاعتقاد والعلم والعمل وهي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل أدخلها من لا يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خالفها. Donc le cheikh il dit que celui qui n'a pas bien connu la voie des criminels et qu'elle n'a pas été clarifiée pour lui de façon suffisante, eh bien, il risque de penser que certaines parties de leur voie fait partie de la voie des mu'minines. Il risque de penser que certaines parties de la voie des criminels fait partie de la voie des mu'minines, parce qu'il n'a pas une connaissance détaillée des deux, donc il va mélanger les deux voies. Il va mélanger la voix des mu'minines et la voix des mujrimines. Et il dit que ça s'est arrivé à beaucoup d'entre les gens de cette umma, dans les questions de la croyance, de la aqida, des questions de la science et des questions de l'application, de la pratique de la religion. Et le cheikh il dit, et il ne savait pas que ça faisait partie des voies des criminels et des voies des koufars et des voies des ennemis des messagers. Ils les ont fait donc rentrer dans la voie des mu'minines sans savoir que ça faisait partie de la voie des mujérimines, hein, de la voie des criminels. Donc ils ont inclus ça ou introduit ça dans la voie des croyants et ils ont invité les gens à suivre ces voies-là. Et ils sont même allés jusqu'à déclarer mécréants ceux qui s'opposaient à eux dans cette voie-là et à rendre halal ce que Allah a interdit ainsi que son messager, comme c'est arrivé à la plupart des gens de Bid'ah. Parmi les groupes des Gama, comme les Jahmiya, ceux qui nient les noms et les attributs d'Allah, ou bien les Qadariya, ceux qui nient la prédestination, ou bien les Khawarij, ceux qui déclarent kuffar les musulmans et qui sortent contre les dirigeants à cause des péchés qu'ils font. Ou bien les Rawafid, hein, ceux qui déclarent les Sahaba kuffar et qui les insultent, hein, et qui exagèrent avec les, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui les adorent en dehors d'Allah ou des choses de ce genre. Donc, ces groupes-là et ceux qui leur ressemblent, ils ont commis cette erreur de mélanger des voix des mu'minines avec la voix des mujrimines et de faire la confusion entre les deux. Et toute personne qui a inventé ou innové des innovations dans la religion et qui a appelé les gens à le faire et qui a déclaré mécréants ceux qui les opposaient dans cette chose-là, alors ceux-là, ils ont une part de ça en eux. Et le cheikh, il commence maintenant à donner la, les détails ou la clarification des quatre catégories qui peuvent être extraites de cette compréhension de la, ou de la connaissance de la voie des criminels et de la voie des mu'minines. Donc il dit والناس في هذا الموقع أربع فرق. À propos de cette explication là, les gens sont divisés en quatre groupes. OK. الفرقة الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا وهؤلاء أعلم الخلق. Donc l'imam Ibn al-Qayyim il dit que le premier groupe c'est ceux à qui les deux voies ont été clarifiées de façon détaillée dans la science et dans la pratique. Hein? C'est-à-dire qu'eux, ils ont connu de façon claire la voie des croyants et la voie des criminels, de façon détaillée avec science et dans l'application aussi. Et il dit le cheikh que ceux-là sont les plus savantes de toutes les créatures. Al-firqatu thaniya, man amiyat anhu astabilan. من أشباه الأنعام وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضر ولها أسلك. Donc qu'est-ce qu'il dit, le deuxième groupe c'est ceux qui ignorent les deux chemins, hein? Ils sont aveuglés ou aveugles vis-à-vis des deux chemins. Ils ne savent pas la voie des criminels et ils ne savent pas la voie des croyants, ils ne savent rien. Donc ceux-là ils sont plus comme des bestiaux. Cheikh dit, ceux-là ressemblent plus à des bestiaux. Et ils sont plus proches de la voie des criminels. Et c'est eux qui l'empruntent le plus. C'est eux qui empruntent le plus la voie des criminels à cause de leur ignorance. Et le groupe numéro 3, Al-Firqatu Thalitha, Man Sarafa Inayatahu Ila Ma'arifati Sabil Al-Mu'minin. دون ضدها فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة وأن كل من خالف سبيل المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل بل إذا سمع شيئا مما خالف سبيل المؤمنين صرف عنه سمعه ولم يشتغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادات الشهوات فلم تختار بقلبه ولم تدعه إليها نفسه بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. Donc le cheikh il dit que le troisième groupe c'est ceux qui se sont qui ont plutôt ou orienter leurs préoccupations et leur attention à connaître le chemin des croyants. C'est-à-dire, eux, ils se sont préoccupés à connaître le chemin des croyants plus, de façon plus profonde, sans connaître ce qui s'y oppose de façon détaillée. C'est-à-dire qu'ils savent ce qui s'oppose à la voie des croyants de façon générale. Et ils savent que tout ce qui oppose la voie des croyants, que c'est faux. Mais ils ne le connaissent pas de façon détaillée. Et ils ne le comprennent pas de façon détaillée. C'est un peu comme la personne, s'il entend quelque chose qui est en contradiction avec la voie des croyants, eh bien, il se détourne. Il ne veut pas l'entendre. Hein? Il ne veut pas se préoccuper de comprendre ces choses-là du tout. Hein? Et il ne se préoccupe pas non plus d'essayer de comprendre à quel point cette chose-là elle est fausse ou de quelle façon cette chose-là est fausse. Et le cheikh, il le fait ressembler ou il le compare à quelqu'un qui ne ressent pas dans son cœur un désir par rapport à quelque chose des passions ou des désirs illicites. C'est-à-dire que lui, dans son cœur, il n'a pas de tentation pour ces choses-là. Hein? Comme par exemple quelqu'un, il y a deux personnes. Il y a une personne, supposons, pour lui, par exemple, pour lui, le jeu de hasard, c'est une fitna. Il a le désir pour jouer au jeu de hasard. Donc, il combat son âme pour résister et pour pas tomber dans ce péché-là. Tandis que l'autre, il n'a pas du tout cette tentation-là. Il pense même pas à ça. Il veut rien savoir de ça. Pour lui, ça veut rien dire. Donc, il compare Ibn al-Qayyim, la personne qui connaît le haqq, qui connaît la vérité, mais qui ne s'attarde pas beaucoup à connaître les détails de ce qui est faux et la voie des criminels, à celui qui n'a pas du tout de tentation par rapport à un péché en particulier, par rapport à l'autre qui peut-être il ressent le désir ou la tentation à faire ce péché-là, mais il se force lui-même et il combat son âme pour ne pas succomber donc à cette tentation-là. Donc ça c'est la comparaison que le cheikh a donné entre les deux. Donc, contrairement, donc il dit, le premier groupe, ceux qui connaissent la vérité et qui connaissent le faux, qui connaissent la voie des croyants et la voie des criminels, eh bien, ceux-là, ils ressemblent plus à ceux qui ont un penchant vers certains aspects de tentation qui sont des choses haram, sauf qu'ils luttent contre eux-mêmes pour l'abandonner, pour plaire à Allah. Tandis que l'autre groupe, hein, le groupe numéro 3, eux, c'est ceux qui, disons, ils n'ont pas du tout envie de rien savoir de ces tentations-là et leur âme ne les pousse pas à connaître ces choses-là ou à aller vers ces choses-là. Donc, le premier groupe, il est supérieur à ce groupe-là. Cheikh il dit, وَقَدْ كَتَبُوا إِلَىٰ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أيهما أفضل رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله فكتب عمر أن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله عز وجل من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Hein? Donc le cheikh il dit que ils ont écrit à Omar ibn al-Khattab pour demander cette question: lequel des deux hommes est meilleur? Est-ce que c'est l'homme qui dans son cœur il n'a même pas eu l'envie ou le désir de faire certains péchés, ou bien l'autre homme qui se combat lui-même dans son âme à abandonner un péché ou ces tentations-là pour Allah subhanahu wa ta'ala? Lequel des deux est meilleur? Et Omar ibn al-Khattab a répondu que celui qui a les désirs dans son âme de faire certains péchés et qui les abandonne pour Allah, il fait partie de ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les cœurs pour la piété. Et ils auront un pardon et une grande récompense. Hein? Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont le désir et la tentation par rapport au péché et qu'ils se forcent eux-mêmes à les abandonner, ceux-là sont meilleurs que ceux qui n'ont pas du tout ces désirs et ces tentations-là. Le cheikh il dit ensuite, وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه فأبغضها لله وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ولم يدعها تخدش وجه إيمانه ولا تورثه شبهة ولا شكا بل يزداد بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له وكراهة لها ونفرة عنها أفضل ممن لا تخطر بباله ولا تمر بقلبه فإنه كلما مرت بقلبه تصورت له ازداد محبة للحق ومعرفة بقدره وسرورا به فيقوى إيمانه بها كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصي كلما مرت به فراغب عنها إلى ضدها وازداد محبة لضدها ورغبة فيه وطلبا له وحرصا عليه فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدوم وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه وتعالى فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى كلما نزعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والمحبة والإرادة إلى النوع العالي الدائم فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك فإنها وإن كانت طالبة للأعلى ولكن بين الطلبين فرق عظيم ألا ترى أن من مشى إلى محبوبه على الجمر أو والشوك أعظم ممن مشى إليها راكبا على النجائب فليس من أثر محبوبه على من على منازعه مع نفسه أو منازعة أي نعم فليس من أثر محبوبه على منازعه مع نفسه كمن أثره مع عدم منازعتها إلى غيره فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات إما حجابا له عنه أو حجابا له أو حاجبا له يوصله إلى رضاه وإلى رضاه وقربه وكرامته. Donc, qu'est-ce qu'il explique le cheikh ici? Qu'est-ce que je viens de lire maintenant? Il détaille qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que celui, il revient à la comparaison qu'il a fait précédemment par rapport à la tentation et au péché et au désir. Et il revient à l'exemple premier par rapport au shubuhat dans la religion et au fait justement de connaître la voie des croyants et la voie des mujrimin, la voie des croyants et la voie des mujrimin. Donc il dit c'est la même chose pour la personne qui a connu les bid'ah, qui a connu le shirk, qui a connu le faux, qui a connu les voies qui amènent vers ces choses-là et qui les a détestées pour Allah et qui a fait, il a pris il a fait attention, il a été sur ses gardes vis-à-vis de ces égarements-là, et il a averti les autres aussi vis-à-vis de ces choses-là, et il les a repoussés de lui-même, et il ne les a pas laissés venir ternir les aspects de sa foi. Et il n'a pas laissé ces différentes shubuhat venir amener des doutes dans sa foi non plus. À chaque fois qu'il a justement eu un de ces éléments, par exemple de kufr ou de shirk ou de bid'ah, eh bien, ça l'a augmenté en connaissance et en compréhension de la vérité. Et ça a augmenté son amour pour la vérité aussi. Et ça a augmenté sa haine et sa fuite de tout ce qui est contraire à la voie des croyants. Donc, il dit que celui-là, il est meilleur que celui qui n'a jamais eu ces pensées-là et qui n'a jamais eu ces choses-là dans son cœur, ces doutes-là ou bien ces choses-là dans son cœur. Donc, chaque fois qu'il a une de ces pensées ou une de ces idées ou une de ces choses-là qui sont contraires à la voie des croyants dans son cœur et qu'il les comprend comme il faut, eh bien, son amour pour la vérité augmente en même temps. Parce qu'il voit à quel point ces choses-là sont en opposition avec la vérité. Donc, il augmente en amour pour la vérité. Et il augmente sa joie pour la vérité, elle augmente proportionnellement. Hein? Donc, c'est à dire, en fait, que plus quelqu'un a compris le faux et qu'il a connu le faux, hein, et qu'il a connu par la suite la vérité, eh bien, il va aimer encore plus la vérité, parce qu'il a su à quel point cette vérité-là est en opposition avec le faux, et à quel point elle amène le bien dans sa vie. Donc, sa foi, elle va augmenter de cette façon-là. C'est la même chose que celui qui a des désirs, et qui a des tentations. Chaque fois que ses désirs et ses tentations passent près de lui, eh bien, lui, il essaie de les détourner par l'amour de qu'est-ce qui s'oppose à ces péchés-là et à ces tentations-là. Hein? Et il augmente en amour pour ce qui oppose ces péchés-là. Hein? Il augmente en désir pour tout ce qui oppose ces péchés-là et ces tentations-là. Hein? Et il augmente aussi en effort pour essayer d'arriver et d'atteindre tout ce qui est en opposition avec les tentations et les péchés. Hein? Donc, le cheikh, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas mis quelqu'un à l'épreuve parmi ses serviteurs par quelque chose qui est plus aimé que justement ses tentations et ses désirs vers lesquels son âme penche, excepté pour le faire ramener à qu'est-ce qui est meilleur que ces choses-là. C'est-à-dire que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va éprouver un de ses serviteurs par les tentations et les déserts et les péchés, pour que par la suite, ce serviteur-là, par lui-même, fasse l'effort de s'écarter de ces péchés-là et pour augmenter donc en amour de ce qui est meilleur, hein, c'est-à-dire de faire des bonnes œuvres et de s'écarter du mal. Hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il teste ses serviteurs par des tentations ou des déserts ou des péchés, et le serviteur, lorsqu'il a la connaissance de ce que Allah aime, et lorsqu'il a la connaissance de la religion d'Allah, eh bien, ça va le pousser à faire plus d'efforts pour s'écarter du mal, pour faire des efforts pour se préserver lui-même et rester toujours dans la guidance, et ainsi de suite. Donc ça, à la fin, c'est quelque chose qui devient quelque chose de bien pour lui et quelque chose de bénéfique pour lui, parce que ça le pousse toujours à lutter contre son âme, à lutter contre ses passions et à abandonner ces désirs-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait en sorte que cette lutte qu'il fait constamment pour Allah, eh bien ça fait en sorte qu'il arrive à Allah subhanahu wa ta'ala, à son bien-aimé qui est le plus haut des absolus dans cette dunya, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que il lutte contre ses désirs et contre ses passions pour faire plaisir à son créateur. Donc, chaque fois que son âme et ses tentations et ses désirs et sa volonté et son amour le poussent vers ses tentations et ses péchés-là, eh bien, il y a une autre force opposée et contraire qui vient l'amener vers l'amour et la volonté et l'attirance vers qu'est-ce qui est hein, meilleur, qu'est-ce qui est plus haut et qu'est-ce qui est plus durable, c'est-à-dire hein, tout ce qui est relié à la foi, tout ce qui est relié à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui l'amène vers Allah subhanahu wa ta'ala et vers le paradis. Donc, c'est quelque chose qui, par la suite, comme on a dit, l'amène vers qu'est-ce qui est meilleur pour lui. Contrairement à l'autre personne, qui a aucun désir, aucune tentation du tout. C'est-à-dire, lui, il marche, il va voir toutes les choses haram, il pense même pas à ça. Ça lui dit rien du tout. Il a même pas d'attirance pour quoi que ce soit de ces choses-là. Son âme, elle est froide, elle est vide de ses désirs. Eh bien, c'est pas comme le premier qui a la tentation, qui a les désirs, mais qui se force, qui fait des efforts dans sa foi pour hein, et s'écarter de ces choses-là. Il dit, en comparant les deux, il dit, celui qui a les désirs et qui va lutter contre ces désirs-là pour arriver vers son objectif, eh bien, il va essayer de faire beaucoup plus d'efforts pour arriver que celui qui n'a pas de désir et qui n'a pas de tentation. Il dit, c'est comme quelqu'un qui veut aller vers son bien-aimé ou sa bien-aimée qui marche sur des charbons qui brûlent. Eh bien, il va marcher vite parce que s'il s'arrête, il va se brûler. Donc, il est obligé d'avancer et il avance vite. Tandis que l'autre, il marche vers son bien-aimé, mais il marche sur le plancher, comme qu'est-ce qui est pas chaud, c'est normal. Donc il marche tranquillement, tu vois. Donc le cher, c'est comme il compare les deux. Celui qui est tenté par des choses mauvaises, mais qui se fait des efforts pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, il marche avec beaucoup plus d'amour vers Allah. Tandis que celui qui, par exemple, il n'a pas du tout de tentation, eh bien, il marche vers Allah, mais pas avec la même amour, pas avec la même intensité. Donc, c'est dans ce sens-là que le cheikh essaie de faire comprendre les comparaisons entre les deux. Donc, il dit que parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il va éprouver un serviteur par des tentations, soit pour le voiler de lui, ou soit pour ce que ce voile-là soit quelque chose qui le ramène plus proche de sa satisfaction et de son agrément et de son honneur, de qu'est-ce qui va le rapprocher de l'honneur qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa proximité. Donc, ça c'est très important à comprendre. Donc ça c'est le troisième groupe. Puis le dernier groupe, Al-Firqatu Rabi'a, Firqatun Arafat Sabil al-Shar wal-Bida' wal-Kufr. مفصلة وسبيل المؤمنين مجملة فهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بل عرفه معرفة مجملة وإن تفصلت له بعض الأشياء ومن تأمل كتبهم رأى ذلك عيانا وكذلك من كان عارفا بطريق الشر والظلم والفساد على التفصيل سالكا لها إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملا غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. Donc le cheikh, il dit que le quatrième groupe, c'est le groupe de ceux qui ont connu les chemins du mal et les chemins des bid'ah et le chemin du kufr de façon détaillée, mais ils ont connu le chemin le chemin des croyants de façon générale ou globale, pas en détail. Donc ils connaissent la voie du kufr et la voie de l'égarement, le chemin des criminels de façon détaillée, mais pas le chemin des croyants. Donc ça, il dit, c'est la réalité de beaucoup d'entre ceux qui se sont préoccupés de réunir les différentes paroles des différentes religions ou des différentes sectes, des groupes de bid'ah. Il y a des savants comme ça à travers l'histoire de l'islam, ils ont écrit des livres pour classifier ou pour catégoriser chaque secte qui s'apparente à l'islam et chaque religion aussi. Comme des livres comme par exemple Al-Milal wa Al-Nihal ou bien Al-Farq bayn Al-Firaq ou des livres comme ça. Yani. Puis tu vois que ces gens-là, ou bien Al-Ibana, Usul al-Diyana ou d'autres livres comme ça, ou bien Maqalat al-Islamiyin, bien c'est des gens de Kalam qui ont écrit des livres pour expliquer les différents groupes, les différentes sectes, les différentes croyances, mais eux-mêmes avaient une connaissance limitée de la vraie croyance de Ahl al-Sunnah al-Jama'a par exemple. Donc ça c'est un exemple. Le cheikh il dit peut-être qu'ils vont connaître certaines choses de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Certaines choses ils les connaissent en détail, mais pas toutes, hein. Il dit ils connaissent les choses de façon globale, de façon générale seulement. Et si le cheikh dit, si vous méditez et vous regardez dans leurs livres, vous allez voir ça de façon claire. Il dit et également, comme la personne qui connaît la voie du mal, la voie de l'injustice, la voie de la corruption, de façon détaillée, et qui les suit, qui suit cette voie-là, lorsqu'il va se repentir et qui va revenir à la voie des hommes pieux et des gens du bien, eh bien, il va seulement avoir une connaissance globale du bien. Il ne va pas avoir une connaissance détaillée. Hein. Il ne va pas avoir une connaissance détaillée du bien comme celui qui a passé toute sa vie dans le bien ou dans la voie du bien et qui la connaît en détail. Donc ça c'est des exemples, moi ça me fait penser à des convertis. Hein. Quand quelqu'un par exemple il était avant l'islam, soit qu'il était converti, soit qu'il n'était pas musulman, qu'il est devenu musulman, il a commencé à pratiquer, ou bien il était musulman, mais il a vécu toute sa vie, disons une grande partie de sa vie dans l'ignorance de l'islam et dans la négligence de l'islam. Et il a connu le crime, il a connu la désobéissance d'Allah, il a connu la prison, il a connu plein de magouilles. Hein. Il connaît tout ce qui est haram, il le connaît. Et les détails de ce qui est haram, il le connaît. Puis par la suite, il découvre la vérité et il rentre dans la vérité. Il accepte l'islam, il commence à pratiquer l'islam. Mais sa connaissance de l'islam, elle est juste générale. Il ne connaît pas les détails de l'islam. D'accord ? Donc, ça, bien entendu, c'est un bien pour lui qu'il connaisse l'islam, mais il doit faire des efforts pour approfondir sa connaissance de la vérité. Parce que sinon, il va, à un moment donné, mélanger les deux. C'est ça le danger dans cette catégorie-là. Et le cheikh, il termine, en conclusion, il dit « وَالْمَقْصُودُ أَنَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ أَنْ تَعْرِفَ سَبِيلَ أَعْدَائِهِ لِتَتَجَنَّبَ وَتُبْغِضُ وَكَمَا يُحِبُّ أَنْ تَعْرِفَ سَبِيلَ أَوْلِيَائِهِ لِتُحِبَّ وَتَسْلُكُ وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله ومن معرفة عموم ربوبيته سبحانه وحكمته وكمال أسمائه وصفاته وتعلقها بمتعلقاتها واقتفائها لآثارها وموجباتها وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وألوهيته وحبه وبغضه وثوابه وعقابه والله أعلم. Donc le cheikh il dit que le but de tout ce qu'on a expliqué, c'est pour expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que tu connaisses le chemin de ses ennemis pour que tu t'en écartes et pour que tu le détestes, hein? Et ça me fait penser à la parole de Hudhayfa ibn al-Yaman qui disait: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. C'est-à-dire, les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah au sujet du bien, et moi je lui demandais au sujet du mal par crainte que ces choses-là m'arrivent. Donc il voulait savoir le mal, il voulait pas seulement savoir le bien, parce que savoir le bien tout seul, sans savoir le mal, c'est pas suffisant, tu peux te faire avoir quand même. Hein? Donc c'est ça ce que le cheikh dit. Allah, il aime qu'on connaisse la voie de ses ennemis pour qu'on puisse s'en écarter et qu'on puisse la détester. Et il aime également qu'on connaisse la voie de ses alliés pour qu'on puisse l'aimer et qu'on puisse la suivre. Hein? Et dans le fait de connaître ça, il y a des bienfaits et il y a des secrets que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Hein? Et il y a aussi dans ça des choses qui sont reliées à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa souveraineté, de sa sagesse, et de la perfection de ses noms et de ses attributs, et de ce qui est relié à ces connaissances-là. Et il y a aussi des choses qui sont reliées au fait de suivre les traces de ses noms et de ses attributs, et qu'est-ce que ça implique également. Donc si tu médites sur tout ça et que tu réfléchis sur tout ça, tu vas être capable d'extraire de ça des bienfaits, des éléments bénéfiques en réfléchissant sur la souveraineté d'Allah, sa rububiyya, comment Allah subhanahu wa ta'ala a tout prédestiné, comment il est maître de toutes choses. Tu vas comprendre également sa sagesse, comment il a divisé les hommes en croyants, comment il a divisé les hommes en mécréants, comment il nous a envoyé des messagers avec des livres, avec des il nous a clarifié la voie du bien, il nous a clarifié la voie du mal. Et tout ça, si tu réfléchis à ça comme il faut, tu vas comprendre et extraire de ça plein d'autres bienfaits avec ça. Et tu vas comprendre la perfection d'Allah par ses noms et par ses attributs et ainsi de suite. Et il dit que tout ça, c'est parmi les plus grandes preuves de la souveraineté d'Allah et sa suprématie et le fait qu'il mérite d'être adoré. Et il y a des grandes preuves de son amour et de sa haine et de sa récompense et de son châtiment. Et Allahu A'lam. Donc le cheikh il conclut avec ça pour nous faire comprendre, donc avec cette petite faïda qu'il nous a donnée, mais qui est en fait une grande faïda si on réfléchit à ça. Et moi j'ai trouvé que c'était bénéfique. Et surtout en écoutant les dourous de Cheikh Mohamed Aman, parce que c'est lui qui a parlé de ça dans un de ses cours, dans Kitab al-Fawaid, et il incitait ses élèves à lire ce passage dans Kitab al-Fawaid. Il disait aux élèves, à ses élèves, retournez au livre de l'imam Ibn al-Qayyim al-Fawaid et lisez les paroles qu'il dit à ce sujet-là. Et Cheikh Mohamed Aman, il donnait beaucoup d'importance à ces choses-là. Pourquoi? Parce que il vivait donc en Arabie Saoudite et il disait toujours aux jeunes qui sont là-bas, vous connaissez pas le mal parce que vous avez vécu dans une société qui est sur l'islam et sur le tawhid et sur la aqidah de Ahl Sunnah. Les gens qui viennent de l'extérieur, eux, ils ont connu le mal. Et ils essaient de profiter de votre naïveté et de votre innocence, justement, pour vous appeler, vers des choses qui sont en opposition avec la vérité. Mais c'est pour cette raison-là que c'est pas suffisant à notre époque, et à toutes les époques, mais en particulier à notre époque, de se limiter à connaître que le vrai et que le haq et que la voie des croyants. Il faut avoir une connaissance des voies des criminels pour pouvoir se protéger de l'égarement. Parce que ceux qui sont restés dans l'ambiguïté et qui ont juste la connaissance de l'islam, mais qui ne connaissent pas les voies de l'égarement, qui ne connaissent pas les voies des gens de bid'a, les voies des sectes, la voie des, surtout à notre époque, les ikhwan, les tablir et les autres groupes d'égarement, les soufiyines, shia, rafida, khawarij, takfiriya, les groupes de takfir, tous ces shubuhat, ils connaissent pas ces choses-là, ils savent pas comment reconnaître ces choses-là. Eh bien, ils se sont fait avoir souvent, ils sont tombés dans ces groupes-là, ils sont tombés dans l'égarement. Donc, c'est bien de connaître l'islam, de connaître la sunna, mais en même temps, il faut aussi écouter les ulama qui nous clarifient et qui nous expliquent le danger de ces égarements-là pour être capable d'être protégé et préservé comme ça. C'est comme un vaccin en fait. Hein? Quand quelqu'un prend un vaccin, eh bien, c'est un peu de la maladie qu'on te donne pour que tu puisses créer des anticorps. Hein? comme ça quand tu vas être affecté par la maladie pour de vrai, ben au moins t'as une protection, t'as une défense, hein. Ben le fait d'avoir cette connaissance du faux, c'est un petit peu comme ça en fait, un petit peu comme disons que ça va te protéger un peu plus contre ces déviations là et contre ces égarements là lorsqu'elles vont s'approcher de toi. Donc j'ai pensé donc que ça pouvait être bien pour parler de ça. Je voulais faire une khutba avec ça à Villerup, mais après quand j'ai vu que c'était un petit peu trop détaillé pour le domaine de la khutba, j'ai dit peut-être en une autre occasion je pourrais faire ça dans une conférence ou quoi. Puis ça s'est adonné que ça tombait bien pour ce matin, donc Alhamdulillah, ça a été bénéfique. J'espère que ça a été clair, puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.